have sailed the world, beheld its wonders, from the Dardanelles to the mountains of Peru. But there's no place like London. No, there's no place like London. Monsieur Todd? You are young. Life has been kind to you. You will learn. There's a hole in the world like a great black pit, and the vermin of the world inhabit it, and its morals aren't worth what a pig could spit, and it goes by the name of London. At the top of the hole sit a privileged few, making mock of the vermin in the lower zoo, turning beauty into filth and greed. I too have sailed the world and seen its wonders, for the cruelty of men is as wondrous as Peru. But there's no place like London. Vous êtes sûr que ça va, Monsieur Todd? Je te prie d'être indulgent, Anthony. Mon esprit est tout sauf apaisé. Je vois des ombres fourmiller dans ces rues autrefois familières. Elles sont partout. Des ombres? Des spectres. There was a barber and his wife, and she was beautiful. A foolish barber and his wife, she was his reason and his life, and she was beautiful. And she was virtuous, and he was naive. There was another man who saw that she was beautiful, a pious vulture of the law, who with a gesture of his claw removed the barber from his plate. Then there was nothing but to wait, and she would fall, so soft, so young, so lost, and oh, so beautiful. Dame, monsieur. Elle a cédé, la dame. Oh, that was many years ago. I doubt if anyone would know. Je tiens à te remercier, Anthony. Si tu ne m'avais pas repéré, je serais toujours perdu au milieu de l'océan. Est-ce que je vous reverrai? Tu me trouveras probablement vers Fleet Street, si l'envie te prenait. Alors à bientôt, mon ami. There's a hole in the world like a great black pit that's filled with people who are filled with shit and the vermin of the world inhabited. Trottle thought he was the ghost of a minute. Can't you sit? Sit you down, sit. All I meant is that I haven't seen a customer for weeks. Did you come in for a pie, sir? Don't forgive me if me head's a little vague. C'est quoi ça? But you think we had the play? From the way that people keep avoiding, did quo. Heaven knows I try, sir. But there's no one comes and even to inhale. Right you are, sir, would you like a drop of ale? Mind you, I can hardly blame them. These are probably the worst pies in London. I know why nobody cares to take them. I should know, I make them. But good, no, the worst pies in London. Even that's polite, the worst pies in London. If you dare to take a bite. Is that just disgusting? You have to concede it. It's nothing but frosting. You drink this, you'll need it. The worst pies in London. And I wonder with the price of meat what it is. When you get it, never thought I'd live to see the day. Many think it was a treat for them poor animals. What are dying in the street? Mrs. Mooney has a pie shop. Does her business, but I noticed something weird. Lately all her neighbours' cats have disappeared. Have to hand it to her, what a course. Enterprise, popping pussies into pies. Wouldn't do in my shop. Just the thought of it's enough to make you sick. And I'm telling you, them pussy cat is quick. No denying times is hard, sir. Even harder than the worst pies in London. Only Lord and nothing more is that just revolting. All greasy and gritty. It looks like it's molting and tastes like, well, pity a woman alone with limited wind and the worst pies in London. Ah, sir, times is hard, times is hard. Croyez-moi, mon chou, il va falloir plus que de la bière pour arriver à faire passer le goût. Suivez-moi, que je vous donne un bon gobelet de gin, hein? C'est Ipa Douillet. J'ai fait une bonne affaire avec cette gentille tapisserie. Elle avait été juste un peu roussie quand la chapelle avait brûlé. À la vôtre? Asseyez-vous, réchauffez-vous la carcasse. C'est à vous la chambre au-dessus de votre échoppe. Les temps sont durs, pourquoi vous la louez pas? Au premier, personne ne veut y mettre les pieds. Il paraît que ce serait hanté. Hanté? Ouais. Il y a peut-être du vrai. Il y a quelques années, il s'est passé quelque chose à l'étage. Quelque chose de pas bien joli. Was a barber and his wife, and he was beautiful, a proper artist with a knife. But they transported him for life, and he was beautiful. Barker, qui s'appelait Benjamin Barker. Quel a été son crime? La sottise. He had this wife, you see. Pretty little thing, silly little knit. Had a chance for the moon on a string. Poor thing. Poor thing. There was this judge, you see. Wanted her like mad. Every day sent her a flower. But did she come down from her tower? Sat up there and sobbed by the hour. Ah, but there was worse yet to come, poor thing. The beadle calls on her orbital light. Poor thing, poor thing. The judge, he tells her, is all contrite. He blames himself for her dreadful plight. She must come straight to his house tonight. Poor thing, poor thing. When she goes there, poor thing, poor thing. They're having this all in masks. There's no one she knows there, poor dear, poor thing. She wanders tormented and drinks, poor thing. The judge has repented, she thinks, poor thing. Oh, where is Judge Turpin, she asks. He was there all right, and they're not so contrite. Match for such craft, you see, and everyone thought it so droll. They figured she had to be daft, you see, so all of them stood there and laughed, you see. Poor thing. Poor thing. Il s'est trouvé personne pour avoir pitié d'elle. Où est Lucie? Où est ma femme? Elle a bu une fiole de poison. D'arsenic. Vendue par l'apothicaire du coin de la rue. J'ai essayé de l'en empêcher. Mais elle n'a rien voulu savoir. Et il retient votre fille. Lui. Le juge Turpin. Il l'a adopté. Comme sa propre fille. Cela faisait 15 années que je vivais l'enfer, injustement condamné aux travaux forcés. 15 années que je vivais dans l'espoir de retrouver mon foyer, ma femme et mon enfant. Ouais, on peut guère dire que le temps a été particulièrement tendre avec vous, Monsieur Parker. Non! Pas Parker. Cet homme est mort. C'est Todd maintenant. Sweeney Todd. Et il s'est promis d'obtenir vengeance. Je les ai cachés quand ils sont venus prendre la petite. J'aurais pu les vendre. Mais non. Ils sont en argent ciselé, les mangins. En argent. Like me, my friend. hold your warm in my hand, my friend. M'est rendu en entier. Brave dame, pouvez-vous me dire qui réside ici? Ah, c'est la résidence du célèbre juge Turpin. Et la jeune lady qui est à sa fenêtre? Oh, ça c'est Joanna, sa jolie petite pupille, il la garde bien au chaud à double tour. Ne vous avisez pas de forcer la porte, sinon vous recevrez un coup de fouet, comme tout autre jeune damoiseau armé d'intentions polissonnes. I feel you, Joanna. I feel you. I was half convinced I'd waken, satisfied enough to dream you. Happily, I was mistaken, Joanna. Entrez, jeune homme, entrez. Vous cherchez Hyde Park, c'est bien cela? En effet. C'est en grand sur le plan, mais je me perds tout le temps. Asseyez-vous, jeune homme. C'est un peu gênant de perdre le nord pour un matelot, mais... c'est comme ça. Matelot. Oui, monsieur. Le Bounty fout le basset à Plymouth. Je gage qu'un matelot ayant l'expérience du monde, oui, doit en avoir expérimenté les mœurs diverses. Diriez-vous que vous êtes expérimenté? Quoi? Ah, oui. Et quelles mœurs? Les geishas du Japon, les concubines du Siam, les Ganymèdes de Grèce. Les catins des Indes. Je les ai tous là, en dessin, évidemment. Absolument tout ce que l'on peut rêver de faire à une femme. Vous voulez voir? Je crois qu'il y a un petit malentendu. Je crois que non. Vous avez lorgné ma pupille, Joanna. Vous l'avez lorgné. Si, monsieur, vous l'avez lorgné. Mes intentions étaient louables. Vos intentions ne m'intéressent guère. Écoutez-moi bien. Si je revois votre visage dans ce quartier, vous maudirez le jour où vous êtes venu au monde. Hyde Park, c'est par ici, jeune fouquet. À gauche, à droite et toujours tout droit, d'accord? Du balai! T'as entendu ce que le juge Tarpin a dit? Gamin, la prochaine fois, ce sera ta jolie petite cervelle qui éclaboussera le pavé. Till I'm with you then, I'm with you then. Il vient là tous les jeudis. C'est un italiano. Il est très en vogue. Le meilleur barbier de Londres, à ce qu'on dit. Pirelli's miracle elixir. Anything will slick, sir. Soon sprouts curls. Try Pirelli's when they see our fixer. You can have your pixer of the girls. Wanna buy a ball, missus? What is this? What is this? Smells like piss. Smells like ew. Looks well, like piss. Was you, dear. This is piss. Piss with ink. Let Pirelli's activate your room, sir. Keep it off your boots, sir. Eats right through. Yes, get it. Pirelli's use a bottle of it. Legs seem to love it. Flies do too. Hi, I'm Adolfo Pirelli, the king of the barbers, the barber of kings. And buongiorno, good day. I blow you a kiss. And I, the so famous Pirelli, I wish it to Noah who has the nerve to say. My elixir is piss. Who says this? C'est moi. Je me présente, Sweeney Todd de Fleet Street. J'ai ouvert un flacon de votre élixir et je vous déclare qu'il ne s'agit que d'une fiéfée filouterie, un cocktail de pisse et d'encre. En outre, signor, je n'ai servi aucune tête couronnée. Néanmoins, je gage que je rase un visage avec 10 fois plus de dextérité qu'un quelconque forain bonimenteur. Voyez ces rasoirs. Je les mets en jeu contre 5 livres, maestro. Afin de prouver que vous n'êtes pas de taille, soit vous relevez mon défi, soit vous reconnaissez votre imposture. Avez-vous déjà vu une fou pareille? Mais regardez de quelle façon il va regretter sa folie! Tommy! Qui veut se faire raser gratis? Bailly Bamford fera l'arbitrage. Ah, oh, je suis toujours aise de me rendre utile à mes voisins et à mes amis. Vous y êtes? On y est. J'y suis. Le plus rapide et le plus doux rasage décidera du vainqueur. Now, signorini, signori, we mix at the ladder, but first you gather around, signorini, signori. You look in a man who have had the glory to serve the Pope, Mr. Sweeney. Whoever, I beg your pardon, you'll probably say it was only a cardinal. No! It was the Pope! To shave the face, to cut the hair, required a grace, required a flair. For if you slip, you nick the skin, you clip the chin, you rip the lip a bit beyond a repair. To shave the face, or even a part, without it a smart, required the heart, not just the flash. It take a panache, it take the passion for the art. To shave the face, to trim the beard, to make the bristle clean like a whistle. This is from early infancy the talent give to me, my God. It take the skill, it take the brains, it take the will. To take the pains, he take the pace, he take the Le vainqueur est Todd. Signore, je m'incline devant un talent si supérieur au mio. Les cinq livres. Que le Seigneur vous bénisse. Et au plaisir. Allez, mon petit. Rentre! Sapevo, sei un bastardo! Garçon, liberato! Cazzo di pizza! C'est peut-être que j'ai le cœur trop tendre, mais j'ai horreur qu'on maltraite les enfants. Félicitations, monsieur Todd. Puis-je savoir si vous avez votre propre établissement? Je veux qu'il en a un. Chez Sweeney Todd, rasage et soins capillaires. Juste au-dessus de ma fabrique de tourtes sur Fleet Street. Je vous remercie, monsieur. Vous êtes un modèle de vertu et d'intégrité. Oui, je tâche de faire de mon mieux pour mes amis et mes voisins. Votre établissement est à Fleet Street, vous dites? C'est cela. Alors, monsieur Todd, je ne manquerai pas d'y passer avant que la semaine s'achève. Vous serez le bienvenu, Bailly Banford. Et je vous garantis que vous aurez, sans débourser le moindre sou, le rasage le plus net de votre existence. Entrons, mon ami. Thank you. Il n'est pas fameux, ce fauteuil, mais il fera l'affaire. C'était celui de mon pauvre Albert. Il le quittait plus de la journée, vu que sa jambe était rongée par la goutte. Pourquoi le bailli ne vient pas avant que la semaine s'achève? C'est ce qu'il a dit. La semaine n'est pas finie. On n'est encore que mardi. Easy now, hush la hush. Don't distress yourself, what's your rush? Keep your thoughts nice and lush, white. Hush love hush, think it through. Once it bubbles, then what's to do? Watch it close, let it brew. White. I've been thinking flowers, maybe daisies, to brighten up the room. Don't you think some flowers, pretty daisies, might relieve the gloom? Oh, wait. Love, wait. Et le juge, quand est-ce qu'on va le coincer? Vous n'avez donc que ça dans la tête. Toujours à ruminer tous les sales tours qu'on vous a joués et ce qui est arrivé il y a Dieu sait combien de temps. Rentrons. Slow love, slow, time so fast. Now goes quickly, see now it's past. Soon will come, soon will last. Wait. Don't you know, silly man? Half the fun is to plan the plan. All good things come to those who can wait. Gillyflowers maybe, instead of daisies. I don't know though, what do you think? Je m'excuse, désolé. Madame Lovett, jeune homme. Ravi, ma brave dame. Monsieur Todd, il y a une fille qui a besoin de mon aide. Elle est triste et seule, mais tellement jolie, et elle... Moins vite, petit. Oui, je suis désolé. Cette fille a un tuteur qui la tient prisonnière, mais ce matin, elle m'a lancé cette clé. Ça montre à coup sûr que Johanna veut que je l'aide. C'est comme ça qu'elle s'appelle. Et Turpin est son tuteur, il est juge, quelque chose comme ça. Quand il sera au tribunal, je m'introduirai chez lui. Je la délivrerai et je la supplierai de partir avec moi ce soir. Alors ça, c'est vraiment romantique. Oui. Mais je ne connais personne à Londres, voyez-vous. Et il me faut un endroit sûr pour la cacher, le temps de louer le fiacre qui nous emmènera. Alors, si je pouvais la déposer ici, juste une heure ou deux, je vous en serais redevable à jamais. Amène-la ici, trésor. Merci, madame. Monsieur Todd. Oh, merci. Merci beaucoup, mon ami. Merci, ma brave dame. On dirait que le destin commence enfin à vous sourire, monsieur T. Bah quoi? Vous la récupérez avant la fin du jour? Oui, mais lui. Lui? Oh, ben, laissez-le l'amener ici. Et vu que ça vous démange de... Ça vous fait de la gorge à trancher, mon chou. Pauvre petite Johanna, tant d'années sans recevoir un soupçon d'amour maternel. Mais je vais arranger ça. Tiens, tiens, qu'est-ce qu'il vient fabriquer ici? Gardez le petit en bas. Signora, Monsieur Todd est-il chez lui? Monsieur Todd exerce son art là-haut. Oh, oh, regardez-moi ça. Ça vous irait que je lui donne une belle tourte à la viande bien moelleuse? Si, faites ce que vous voudrez. Bien, mon gars. T'as de bonnes dents, j'espère. Ferme la porte. Je vais te donner une bonne tourte bien goûtue. Pousse tes fesses. Vas-y, fais comme chez toi. entrer. Mr. Toad. Signor Pirelli. Appelez-moi Davy. Davy Collins, que je m'appelle pour les intimes. J'ai récupéré mes 5 livres, si ça vous gêne pas. Pourquoi? Parce que vous m'avez embringué dans notre petit duel sous une fausse identité, mon vieux. Et pour que vous oubliez pas de faire preuve d'un peu plus de franchise à l'avenir, je prélèverai la moitié de votre recette, comme ça, chacun s'y retrouvera. Monsieur Benjamin Barker. Et voilà. Régale-toi. J'aime ça quand un homme a un solide appétit. Ça me rappelle mon tendre Albert. Il adorait s'en mettre plein la panse, ça oui. Il n'avait pas le crâne aussi chevelu que toi. Pour être franc avec vous, il fait chaud là-dessous. Samira, tout à fait. Vous vous souvenez pas de moi, hein? Rien d'étonnant. J'étais qu'un loupio que vous aviez engagé 2 semaines pour donner un coup de balai. Mais moi, j'ai pas oublié ça. Et comment aurais-je pu vous oublier, Monsieur Barker? Je m'asseyais, toujours ici, en rêvant au jour où je serais vraiment barbier, moi aussi. On peut dire que vous avez été un modèle pour moi. On dirait qu'on ferait affaire. Ou est-ce que je dois courir trouver mon vieux poteau, le bailli Bamford? Qu'est-ce que vous avez à répondre? Maestro Sweeney Todd. Misère de misère. On n'a jamais terminé. Il faut que ça brille, c'est ma devise à moi. Alors, comment tu l'as rencontré, cet affreux Italien? Il m'a trouvé à l'hospice. Depuis que je suis née, j'étais là-bas. Oh non! Il a un rendez-vous chez son tailleur! S'il est en retard, il dirait que c'est de ma faute! Mais attends! Le signor Pirelli a été appelé autre part. Dépêche-toi de le rattraper. Non, monsieur. Il faut que je reste ici, où je suis bon pour le fouet. Et pour donner le fouet, il n'est pas le dernier. Alors, ma bleuvette t'a donné une bonne tour, je suis sûr. C'est une vraie lady. Ça, tu l'as dit. Mais quand on est un garçon qui pousse, on a toujours une petite place pour une autre tourte. Oui, monsieur. Alors va donc attendre ton maître en bas. Ça te vaudra sûrement une deuxième tourte. Non, je dois rester ici. Écoute-moi. Va voir Madame Lovette. Et dis-lui qu'elle te verse aussi un bon grand godet de gin. Oh, merci, monsieur! Thank you. C'est la deuxième fois, monsieur, que vous êtes appelé à comparaître sur le banc des accusés. Bien que mon plus vif désir soit de tempérer les verdicts par la clémence, votre obstination à consacrer votre vie à toutes sortes de crimes est une abomination aux yeux de Dieu et de l'humanité. Je vous condamne en conséquence à être pendu jusqu'à ce que mort s'en suive. Que le Seigneur ait pitié de votre âme. L'audience est levée. Merci, monsieur le juge. C'était la sentence appropriée. Était-il coupable ? Eh bien, dans le cas contraire, il aura sans doute commis de quoi mériter la corde. Qui ne mérite la corde ? Plaît-il ? Peu importe. Allez, accompagnez-moi. J'ai une nouvelle à vous apprendre, mon ami. Afin de la soustraire à l'immoralité de ce monde, j'ai décidé d'épouser ma chère Johanna. Oh, monsieur, quelle bonne nouvelle en vérité. Chose curieuse. Lorsque je lui ai offert ma personne, elle a affiché une certaine réticence. Excuse me, my lord. May I request my lord permission, my lord, to speak? Forgive me if I suggest, my lord, you're looking less than your best, my lord. There's powder upon your vest, my lord, and stubble upon your cheek. And ladies, my lord, are weak. Comment, mal rasé? Peut-être vais-je un peu trop vite en besogne le matin. Fret not though, my lord, I know a place, my lord, a barber, my lord, of skill. Thus armed with a shaven face, my lord, some eau de cologne to grace, my lord, and must to enhance the chase, my lord, you'll dazzle the girl until... Le temps. She bows to your every will. Un barbier. Menez-moi à lui. Il s'appelle Todd, my lord, et c'est le nec plus ultra dans le monde de la barbification. Tu devrais y aller tout doux, mon gars. Ça va te faire tourner la tête. On nous en donnait le soir à l'hospice pour qu'on s'endorme. Mais il valait mieux pas pioncer là-bas. Vu les trucs qui se passaient dans le noir. C'est gentil, chérie. Écoute, je dois passer un coup de vent chez Monsieur T. Ça va aller? Laissez la bouteille. Ce gosse, il va me mettre sur la paille à boire comme ça. Quand c'est qu'il doit repasser, Pirelli? Il n'y reviendra pas. Monsieur T, c'est pas vrai. Vous êtes malade. Tuer un homme qui vous avait point fait de mal? Il m'a reconnu, je l'ai employé ici jadis. Il a essayé de me faire chanter. La moitié de Marcette. Oh, dans ce cas, ça change tout à l'affaire. J'ai bien cru que vous étiez devenu ma boule. Oh, du sang partout. Pauvre couillon. Enfin. C'est pas bien de lâcher. Alors, qu'est-ce qu'on va en faire du petit gars? Envoyez-le-moi. On n'a rien à craindre de lui, il ferait pas de mal à une mouche. Envoyez-le-moi! Allons, monsieur T. Un par jour, ça va comme ça. Puis j'avais idée de l'engager, ce gosse, pour m'aider à tenir l'échoppe. Mes pauvres genoux sont plus ce qu'ils étaient. D'accord. Évidemment, faudra songer à faire le plein de gin. Il voit comme un trou, ce gosse. Le juge. Sortez. Sortez! Thank you. Todd. À votre service. Quel honneur de vous compter dans ma clientèle, Milord. Vous me connaissez, monsieur ? Qui, en ce vaste monde, ignore l'existence du grand juge Turpin. Ces locaux ne sont guère engageants. Et cependant, le bailli m'a dit que vous êtes le plus habile de tous les barbiers de la ville. C'est très courtois de sa part. Qu'est-ce que l'on vous fait aujourd'hui ? Je rafraîchis votre coupe dans un style distingué. Un massage délassant du visage. Assis, monsieur. Assis. You see, sir, a man infatuated with love, ardent and eager slave. So fetch the pomade and pomace stone and lend me a more seductive tone, a sprinkling perhaps of French cologne. But first, sir, I think a shave. The closest I ever gave. Vous êtes de belle humeur aujourd'hui, Monsieur Todd. Tis your delight, sir, catching fire from one man to the next. Tis true, sir, love can still inspire the blood to pound the heart leap higher. What more can man require? More than love, sir. More than love, sir. What, sir? Women. Ah, yes, women. Pretty women. Sir. My lord, and who may it be said is your intended, sir? My ward. Une belle petite rose blanche, belle comme sa maman. Quoi? Le thé? Bien, monsieur. Bien, monsieur. Peut-on reprendre? Pretty women, fascinating. Sipping coffee, dancing, pretty women are a wonder. Pretty women sitting in the window or standing on the stair. Something in them cheers. Pretty women, silhouetted, stay within you, glances, stay forever, breathing lightly, pretty women, pretty women, blowing out the garden, letter writing, flower picking, weather watching, how they make a man sing, proof of heaven as you're living. Pretty women, sir, pretty women. Yes, pretty women, sir. Oh, women, pretty women, sir. Monsieur Todd, j'ai vu Joanna, elle a dit qu'elle s'enfuirait avec moi, ce... Il existe donc des forces mystérieuses pour m'alerter à temps. Johanna s'échappait avec vous. Je ferai en sorte que ni vous ni aucun autre homme ne pose plus jamais les yeux sur elle. Quant à vous, barbier, vous avez à l'évidence de bien douteuses fréquentations. Servez-les bien et gardez leur clientèle, monsieur. Vous n'avez plus la mienne. Monsieur Todd, il faut que vous m'aidiez. Dehors. Je vous en prie. Dehors. Monsieur Todd. Dehors. Mais qu'est-ce que c'est que ce boucan? Qu'est-ce qui se passe? Je l'avais presque. J'ai vu le matelot débouler et puis voilà que je vois les deux dévaler l'escalier. Je l'avais presque. His throat was bare beneath my hand. Allons, allons, calmez-vous. Non, j'avais presque. His throat was there and he'll never come again. Please leave now, hush love, hush. I'll keep telling you. When? Why did I wait? You told me to wait. Now he'll never come again. There's a hole in the world like a great black pit, and it's filled with people who are filled with shit, and the vermin of the world inhabit it. But not for long. They all deserve to die. Tell you why, Mrs. Lovett, tell you why. Because in all of the whole human race, Mrs. Lovett, there are two kinds of men and only two. The one staying put in his proper place, and the one with his foot in the other one's face. Look at me, Mrs. Lovett, look at you. Now we all deserve to die. Even you, Mrs. Lovett, even I. Because the lives of the wicked should be made brief for the rest of us. Death will be a relief. We all deserve to die. And I'll never see Joanna. Sir, how about a shave? Come and visit your good friend, Sweeney. You, sir, too, sir. Welcome to the grave. I will have vengeance. I will have salvation. Who, sir? You, sir? No one's in the chair. Come on, come on. Sweeney's waiting. I want you, bleeders. You, sir? Anybody? Gentlemen, I don't be shy. Not one man, no, nor 10 men, nor 100 can assuage me. I will have you. And I will get him back, even as he gloats. In the meantime, I'll practice on less honorable fronts. And my Lucy lies in. And I'll never see my girl again. But the work waits. I'm alive at last. And I'm full of joy. C'est bien joli tout ça. Mais qu'est-ce qu'on va faire de lui? Eh oh! Eh, vous m'entendez? Allez! Oh, quelle grande chiffre molle! Cul-sec. Alors, on a notre macabre en train de pourrir là-haut. On peut savoir ce que vous voulez qu'on fasse à son sujet. Tout à l'heure, quand il fera noir, on l'emmènera dans un lieu inhabité pour l'enterrer. Ah ouais, c'est sûr qu'on pourrait. Je pense pas qu'il y ait de la famille qui viendra mettre le nez dans nos affaires. Seems a downright shame. Shame. Seems an awful waste. So such a noise, plump frame, was his name as had, has, nor he can't be traced. Business needs a lift, debts to be erased. Think of it as thrift, as a gift, if you get my drift. Seems an awful waste. Of meat, what it is, when you get it, if you get it. Ah. Good, you got it. Hey, for instance, Mrs. Mooney had a pie shop. Business never better, using only pussycats and toast. Now, what was his good for maybe 6 or 7 at the most? And I'm sure they can't compare as far as taste. Mrs. Lovett, what a charming notion. Well, eminently it does practical seem and yet a appropriate waste. As always. Mrs. Lovett, how I've lived without you all these years, I'll never know. Think how about delectable. It. Lots of other gentlemen are soon becoming for a shame. Why they how think of choice, all how rare. For watch the sound of the world out there. What, Mr. Todd? What, Mr. Todd? What is that sound? Those crunching noises pervading the air. Yes, Mr. Todd, yes, Mr. Todd, yes, all around. It's man devouring man, my dear. Then and who are we to deny it in here? Nous vivons une époque redoutable, Madame Lovett. Une mesure redoutable s'impose. Et voilà. Tout chaud, ça sort du four. Qu'est-ce que c'est? It's priest. Have a little priest. Is it really good? Sir, it's too good, at least. Then again, they don't commit sins of the flesh. So it's pretty fresh. Awful lot of fat. Only where it's at. Haven't you got poet or something like that? Now you see the trouble with poet is how do you know it's deceased? Try the priest. Lawyer's rather nice. If it's for a price. Order something else though to follow, since no one should swallow it twice. Anything that's lean? Well then, if you're British and loyal, you might enjoy Royal Marine. Anywhere it's clean, though of course it tastes of wherever it's been. It's that squire on the fire. Mercy no, sir, look closer, you'll notice it's grosser. Looks thicker, more like vicar. No, it has to be grosser. It's green. The history of the world, my love. Save a lot of grades, do a lot of relatives' favours. Is those below serving those up above? Everybody shaves, so there should be plenty of flavours. How gratifying for once to know that those above will serve those down below. C'est quoi ça? It's fop, finest in the shop. Oh, we have some shepherd's pie peppered with actual shepherd on top. And I just begun. Is the politician so oily? It's served with a dually, have one. Put it on a bun. You never know if it's going to run. Try the fire, try destroyer. No, the clergy is really too coarse and too merely. Ah, but always arrives overdone. Je repasserai quand vous aurez du juge au menu. Have charity towards the world, my pet. Yes, yes, I know, my love. We'll take the customers that we can get. High born and low, my love. We'll not discriminate great from small. No, we'll serve anyone, we'll meaning serve anyone, and to anyone. C'est donc vrai. Monsieur, Avant d'entrer chez une lady, un gentleman se doit de frapper à la porte. C'est exact, mais je ne vois nulle lady. Je m'étais persuadé que le matelot mentait, que ma Johanna ne me blesserait jamais, ne me trahirait jamais ainsi. Monsieur, j'ai pris la décision de partir. Je crois que c'est la décision appropriée, puisque désormais ma compagnie vous contrarie. Nous vous procurons dès lors un nouveau logis. Jusqu'à ce moment, j'ai veillé à ménager le bâton. Mais l'ingrate enfant a brisé mon cœur. Lorsque vous saurez apprécier ce qu'on vous donne, peut-être se reverra-t-on. D'ici là, songez à vos sinistres péchés. Again, my little dove, my sweet Joanna. I'll steal you, Joanna. Goodbye, Joanna. You're gone and yet you're mine. I'm fine, Joanna. Joanna. I'm clear, Joanna. when I'm blind with what I can't forget. It's always morning in my mind, my little lamb, my pet, Joanna. You stay, Joanna. Tell you smell that air, say on fire. Quick, sir, run and tell one of all of the witches spell. There it is, the unholy spell. Get it to the big lamp police as well. Tell him, help, fame, say on fire. Say on fire. Mischief, mischief. The day I die, I think I miss you less and less as every day goes by, Joanna. And you'd be beautiful and pale and look too much like her. If only angels could prevail, we'd be the way we were, Joanna. Wake up, Joanna. Another bright red day. We learn, Joanna, to say. Gentlemen, here's the bird is cheering, else to keep it cheering. Toby, throw the woman out. What's my secret? Frankly, dear, forgive my kind of family secret. All to do with us, things like being careful with your coriander. That's what makes a gravy grater. Eat them slow and feel the crust, that thin she rolled it. Eat them slow, cause everyone's a prize. Eat them slow, cause that's the lot, and now we sold it. Come again tomorrow. Hold it. Bless my eyes. Fresh supplies. How about just confirms my theory. Toby, who watches over us, didn't have an inkling. Positively eerie. Toby, run the aluminum! Même falloir garder un œil sur les dépenses du ménage. Enfin, on peut se payer quelques jolies bêtes empaillées, histoire de donner un côté comme il faut à notre intérieur. Je dirais une belle tête de sanglier. Monsieur T, vous écoutez ou pas? Bien sûr. Alors, qu'est-ce que je viens de vous dire? Il doit y avoir un moyen d'atteindre le juge. Oh, le juge! Vous commencez à me tanner avec le juge. On a une maison respectable maintenant. Les rentrées d'argent sont régulières. Et vu qu'on choisit pas n'importe qui, des étrangers, des gens qui manqueront à personne, qui pourra se douter? Oh, Miss Eton, I'm so happy. I could eat you up, I really could. You know what I'd like to do, Miss Eton. What a dream. If the business stays as good, where I'd really like to go. In a year or so. Don't you wanna know? Bien entendu. Do you really wanna know? Oui, je le veux. By the sea, Mr. Todd, that's the life I carve it. By the sea, Mr. Todd, oh, I know you'd love it. You and me, Mr. T, we could be alone in a house where we'd almost own. Down by the sea. Anything you say. Wouldn't that be smashing? Think how snug it'll be underneath our flannel when it's just you and me and the English Channel. In our cosy retreat, kept all neat and tidy, we'll have jams over every Friday by the sea. Don't you love the weather by the sea? We'll grow old together. Come by it, except a seagull. Oh, oh, we shouldn't try it, though till it's legal for two. But a seaside wedding could be devised. Me rumble bedding legitimized. Me eyelids are flutter or turn into butter. The moment I mutter, I do. Et embrasser la mariée. Là, votre petit déjeuner, mon ami. Monsieur T, je peux vous poser une question? Quoi? À quoi ressemblait votre Lucie? Vous vous en rappelez pas bien, en vrai. Elle avait les cheveux dorés. Faudrait songer à passer à autre chose, maintenant. La vie est faite pour les vivants. On pourrait refaire notre vie, nous deux. Pas celle que j'avais rêvée, peut-être. Pas non plus celle que vous vous rappelez. Mais on s'en accommoderait. Monsieur Todd! Madame Lovett! Qu'y a-t-il, Anthony? Il l'a fait interner dans une maison de fous. Johanna? À l'asile de Fogg, monsieur. J'en ai fait le tour une dizaine de fois, pas moyen d'entrer, c'est une vraie forteresse. Je tiens. perruquier de Londres se fournit son cheveu. C'est simple. Il rase les malades mentaux. Qu'avez-vous en tête? Tu vas te costumer en apprenti perruquier. Ça te permettra d'entrer. Et tu la sors de là. Va, allez, vite! Envoyez-moi le petit. Vous devriez peut-être le laisser tranquille. Toby, Monsieur Todd a besoin de toi. Bien, madame. Le palais de justice. Oui, monsieur. Même si je suis jamais été. Porte ça là-bas. Et cherche un certain juge Turpin. Répète ce que j'ai dit. Allez au palais de justice, voir le juge Turpin. C'est à lui que tu donneras cette lettre. Et à lui seul, Tobias. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Et pendant que j'y suis, je peux passer à l'épicerie pour acheter des... Non. Tu ne t'arrêtes pas. Tu ne parles à personne. Tu vas donner cette lettre. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. T'es passé. On a eu un monde fou ce soir. Ma pauvre carcasse est en compote. Monsieur Todd m'a envoyé faire une course. Et sur le chemin du retour, je suis passée à l'hospice, voir ce que ça devenait. Et là, je me suis dit que... Ben, que sans vous, j'y serais encore. Ou quelque part de pire. Comme si le Seigneur vous avait mis sur mon chemin. Ah, trésor. Il y a des fois que je me dis pareil. Écoutez-moi, madame. Vous savez que je ferais n'importe quoi pour vous. Disons, s'il y aurait quelqu'un autour de vous, quelqu'un de méchant, sans que vous le sauriez. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu me racontes? Nothing's gonna harm you, not while I'm around. Nothing's gonna harm you, no sir, not while I'm around. Mais comment ça, quelqu'un de méchant? Demons are prowling everywhere nowadays. I'll send them howling, I don't care, I got ways. Allons chérie, arrête. Où est-ce que tu vas chercher tout ça? No one's gonna hurt you, no one's gonna dare. Others can desert you, not to worry, whistle, I'll be there. Demons will charm you with a smile for a while, but in time, nothing can harm you, not while I'm around. C'est gentil. Qu'est-ce que c'est que ces sottises? Qu'est-ce que tu racontes encore? C'est comme qui dirait des idées que j'ai sur Monsieur Todd. Not to worry, not to worry. I may not be smart, but I ain't dumb. I can do it, put me to it. Show me something I can overcome. Not to worry. Close and being clever ain't like being true. I don't need to, I will never hide a thing from you. Like so. Allons, Toby, chérie. On a dit assez de sottises pour ce soir, hein? Tiens, ça te plairait. Je te donne une jolie pièce neuve d'un penny. Tu iras nous acheter des toucas. C'est au Seigneur Pirelli, cette bourse! Mais non, C'est un cadeau d'anniversaire de Monsieur T. Y a plus aucun doute. On doit y aller, madame. On va chercher Bailly et les agents. Chut, chut, Toby. Chut, tu n'iras nulle part. Tu restes assis ici, là, bien sage, à côté de moi, comme ça. Voilà. Qu'est-ce qui te fait dire de telles choses sur Monsieur Todd? Il s'est montré si généreux avec nous. Nothing's gonna hold. À monter et descendre tout le temps. Eh ben, c'est toi qui le feras maintenant. Oui, madame. Est-ce que ça chlingue là-dedans? Tu vois ces grilles là? Elles donnent sur les égouts. Alors les odeurs remontent. Il y a toujours deux, trois rats que Jésus a rappelés à lui. Regarde. Ça, je t'apprends rien, c'est le four. Trois douzaines ensemble. Fais attention à ce que la porte est bien fermée, comme il faut, comme ça. Porte fermée comme il faut. Ça, c'est le hachoir. On balance la viande. Il n'y a plus qu'à mouliner. Et ça ressort par là. À toi, vas-y. On mouline. Ça ressort par là. C'est bien, mon gars. Où je remonte à l'étage, je reviens dans 5 secondes, d'accord? Ça vous ennuie si je mange une tourte en attendant? Mange autant que tu veux. Ah oui, monsieur, je suis d'accord avec vous. Nous gagnerions tous deux à trouver quelque arrangement au sujet des cheveux de mes pauvres chéris. Pas ici. Les requins. Et je garde les blancs ici. C'est bien du crin doré qu'il vous faut, monsieur. Oui. À la merci de vos chéris. Je l'ai enfermé. Mais s'il s'échappe, il ira aux agents. Il s'échappera pas. Quand même, monsieur Todd. Le juge sera là bientôt. Oh, pardon. Vous m'avez fait peur. Ce n'était point mon intention, douce madame. Ça, je vous le jure. Quoique ma présence ici soit tout officielle. C'est que... il y a eu de nombreuses plaintes au sujet de la puanteur émanant de votre cheminée. On dit que la nuit, l'odeur est des plus infectes. les règles d'hygiène et de santé publique relevant naturellement de mes attributions, je crains fort de devoir faire un contrôle de votre fournil. Avec plaisir. Mais d'abord, venez donc au premier que je vous pomponne. J'apprécie que l'on soit à la fois concierge et barbier, mais je dois avant tout m'acquitter de ma mission officielle. Je comprends tout à fait. Si je puis me permettre, monsieur, quelle est donc cette senteur tropicale? Mon secret, c'est une touche d'ambre gris. Oserais-je suggérer un parfum un rien plus approprié à un gentleman de votre classe? D'autant que les dames apprécieront beaucoup. Vous êtes donc expert en la matière? Ça ne prendra qu'une minute. Oh. Je peux vous parfumer au bérum, monsieur. Oh, le bérum est très stimulant. Tu vas l'attendre ici. Je reviens avec un fiacre dans moins d'une demi-heure. Ne crains rien. On ne te reconnaîtra pas. Tu es en lieu sûr. En lieu sûr. Il suffit de prendre la fuite pour que nos rêves deviennent réalité. C'est ce que j'espère, oui. Je n'ai jamais eu de rêve, moi. Que des cauchemars. Johanna, quand nous serons loin d'ici, nos fantômes s'envoleront à jamais. Non, Anthony. Ils ne s'envolent jamais. Je serai bientôt de retour. Dans une demi-heure, nous serons libres. Thank you. Qui êtes-vous? Que venez-vous faire ici? Le mal est là! La laine du diable qui vient d'en bas, qui vient d'elle! Oh, c'est la femme du diable, méfiez-vous d'elle! Elle n'a aucune pitié dans son cœur! Oh, est-ce qu'on se connaîtrait par hasard? Monsieur Tom! Mais en bas, monsieur le juge, chez ma voisine. Grâce au ciel, le matelot ne l'a pas violentée. Grâce au ciel encore, elle a reconnu ses écarts de conduite. Elle vous l'a dit? Oh oui. Votre leçon a porté ses fruits. Elle ne parle que de vous et vous supplie de lui pardonner. Alors elle sera satisfaite. Elle va monter chez vous, c'est ça? Excellent, mon ami. Un petit coup de rasoir. Assis, monsieur. Assis. Pretty woman. Pretty woman, yes. Jana, Jana. Pretty women are a wonder. Pretty women. What we do for pretty women. Blowing out the candles, oh, combing out the hair, and they leave even when they leave you and vanish. They somehow can still remain there with you. Il est tellement rare de rencontrer son jumeau spirituel et qui est des goûts jumeaux pour les damoiselles. Ce sont les années qui m'auront transformé, monsieur. Et puis je suppose que le visage d'un barbier, le visage d'un prisonnier, d'un chien, n'est pas des plus mémorables. Benjamin Parker! Thank you. se connaîtrait. C'est ce qu'elle a dit. Vous saviez qu'elle était en vie. Je n'ai pensé qu'à votre bien. Vous m'avez menti. No, no, not lied at all. No, I never lied. Said she took a poison, she did. Never said that she cried. Poor thing, she lived, but it left her weak in the head. All she did for months was just lie there in bed. Should have been in hospital, wound up in bed. No, missed it. Poor thing. Better you should think she was dead. Yes, I lied, cause I love you. I did twice the wife she was. I love you. What have I done? Lovett, you're a bloody wonder, eminently practical and yet appropriate as always. As you said repeatedly, there's little point in dwelling on the past. Now come here, my love. Not a thing to fear, my love. What's dead is dead. The history of the world, my pet. Oh, Mr. Todd, leave it to me. Is learn forgiveness and try to forget. But Mr. Todd will become fake cozy. By the same Mr. Todd, where there's no one knows. And life is for the alive, my dear. So let's keep living it. Just keep living it. Really living it. A barber and his wife, and she was beautiful. A foolish barber and his wife, she was his reason and his life, and she was beautiful. Thank you.